Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Lorsque la terre aura tremblé de son plus violent tremblement, et qu'elle aura rejeté tous ses fardeaux, et que l'homme aura demandé « qu'est-ce qu'elle a ?» Ce jour-là, elle dira son histoire, d'après ce que ton Seigneur lui aura ordonné. Ce jour-là, les hommes sortiront par groupes épars pour répondre de leurs œuvres. Celui qui aura fait ne fût-ce que le poids d'un atome en bien le verra. Et celui qui aura fait ne fût-ce que le poids d'un atome en mal le verra.